quel est votre plus beau souvenir ? De ma carrière ? Ouais. C'est la question. Plus beau souvenir, peut-être, c'est mon père auparavant avait une entreprise agricole, donc il avait des engins de récolte. Et on allait avec lui pour faire la récolte dans d'autres exploitations aux alentours. Et peut-être le plus beau souvenir, c'est qu'on a passé de bons moments dans des familles, quelquefois, où on allait travailler. Et puis, l'ambiance était beaucoup plus chaude que maintenant, où il y avait un certain respect, une très bonne ambiance de travail. Maintenant, c'est vrai qu'on est seul sur l'exploitation, et puis que, on se fait à ce nouveau monde-là. Voilà. Peut-être que c'est ça le meilleur souvenir.